de jouer l'over. Elle se fout de toi, t'es game over. L'argent est aveugle et l'amour n'a pas d'odeur. Elle applique l'expression vouloir l'argent du beurre. Va te la mettre à l'envers, sac à main, Gucci Louis, pour finir à terre. Va te la mettre à l'envers. Alors pourquoi se prendre la tête, Ryan lâche l'affaire. Elle finira par te la mettre, t'as voulu chanter l'amour comme Justin Bieber. Écoute-moi, RJ c'est juste un berbère. Ça fait métro, boulot, resto, discothèque. L'IA sur le deck, Ryan deck. Lâche l'affaire, on connaît la suite. T'es passé du bon à rien au bout R8. Elle est petite.